donneraient leur vie pour dire beau. Vous êtes encore à l'émission Bouquins et confidences, animée par Julie Collin, et je suis en compagnie de Marie-Hélène Vaugeois, propriétaire de la librairie Vaugeois. Bonjour. Rebonjour. Donc, avant la pause, on a discuté de ton parcours comme libraire, ton parcours comme, comme libraire aussi, qui l'a finalement acheté, qui a co-acheté la librairie avec ta mère puis ta sœur. On a parlé aussi brièvement du prix unique du livre, qui était quelque chose pour laquelle tu as, entre autres, milité quand tu étais au CA de l'Association des libraires du Québec. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le prix unique du livre? Bon, le prix unique du livre, première chose, ce n'est pas le même prix pour tous les livres. Parce qu'il y a des gens qui pensent ça. On va régler, on va défaire en premier mythe. Donc, c'est en fait ce qu'on demandait, c'est qu'il arrête d'avoir des rabais. En fait, il y a la même chose en France présentement. Depuis plusieurs années, ça existe dans beaucoup de pays du monde. Là, je ne me souviens plus exactement des chiffres. Mais donc, c'était de demander que le prix du livre soit... D'ailleurs, première affaire, on ne choisit pas en librairie. Généralement, dans toutes les librairies indépendantes, vous allez voir, tous les livres sont au même prix présentement. Parce que c'est pas nous autres qui choisissons le prix du livre, c'est le distributeur qui nous... c'est nous un prix suggéré, mais personne ne met un autre prix que le prix suggéré. Mais donc, vous n'êtes pas obligé de garder ce prix-là? Je pense que oui, dans le fond. Je dis on n'est pas obligé, mais je pense que oui. Puis de toute manière, si on le faisait pas... Ce serait pas super cohérent, là. Ça serait pas hyper cohérent, exactement, ouais, carrément. Ça. Parce que, tu sais, quand on reçoit une facture, c'est le prix du livre avec la remise qu'on a. Donc, on n'a pas vraiment le choix. Là. On n'a pas le choix. Mais donc, mais il y a des gens qui font des rabais. Puis il y a des endroits qu'on sait qui faisaient des gros rabais sur les livres. Tu sais, il faut comprendre que il y a 20 ans, les librairies faisaient leur argent sur les méga best-sellers comme genre le Guide de l'auto ou d'autres romans très, très populaires. Et un jour, ce marché-là, il leur a échappé pour les Costco de ce monde. Puis on peut comprendre les gens. C'est sûr que quand tu peux payer 20-25% de rabais sur un livre, on leur reprochera quand même pas ça. Donc, ce qu'on demandait, c'est que le prix soit gelé finalement pendant une période de 6 mois à 1 an. Avec un maximum de rabais, parce qu'on n'était pas nécessairement contre le rabais absolument, qui était, je crois, de 10% le rabais qu'on voulait maximum. Donc, on sait beaucoup. Puis, c'est pas arrivé dans les années... Là, il faut comprendre aussi que c'est pas arrivé dans les années 2000, cette idée-là. Il avait déjà... Le prix unique avait déjà failli passer dans les années 80 sous le gouvernement Bouchard, en fait, qui avait été très discuté parce qu'il y avait eu le rapport Larose qui le recommandait. Et il a longtemps été recommandé de faire un prix unique, mais bon, les lobbyistes étant ce qu'ils sont présentement, on se bat moins présentement parce qu'on met pas l'énergie là-dessus, on sait que ça vaut pas la peine présentement, mais c'est sûr que c'est une idée qui reste dans les cartons des libraires. Okay. Donc, c'est vraiment, ça serait avantageux pour les librairies, ça donnerait une meilleure chance aux librairies de continuer on serait sur le même pied d'égalité, ouais, en ça. Fait, tout le monde. C'est que, après ça, si vous choisissez où vous voulez acheter votre livre, ça, c'est, on ne voulait pas non plus imposer aux gens de venir chercher leur livre. Parce qu'il faut comprendre aussi que souvent, quand ils sont à très, très gros rabais, ils sont là un peu comme... on appelle ça en bon français du loss leader. Donc, vous venez chercher le livre en super gros rabais, mais on va faire notre argent sur d'autres choses. Donc, ce qu'on voulait éviter aussi, c'est ça, c'est que les endroits qui travaillent vraiment le livre ne puissent plus exister, puis que, on le sait, dans un Costco, dans une année, je pense, c'est 206. Là, je donne les chiffres d'il y a 10 ans parce que je connais moins le dossier aujourd'hui, mais je pense qu'il y avait 250 livres par année qui sortaient dans un Costco. Je ne sais plus si c'était par année ou par 3 mois, mais versus 40 000 livres qui sortent, on en a, disons, la moitié en librairie. T'sais, les chiffres sont vraiment disproportionnés, puis si on se retrouvait à n'avoir que le choix de ces 250 livres-là qui sont juste des best-sellers, il y a toutes des choses. Si on a des goûts un peu différents, on ne retrouvera pas ce qu'on veut si les librairies n'existent plus. Donc, c'est vraiment pour préserver la diversité culturelle. Là. OK. Donc, c'est ça. Mettons, en Costco, il y a des rabais, comme on disait. Il y a aussi Walmart, ou des trucs comme oui, ça. Oui. Mais au niveau... Mais ils prennent pas de chance non plus, tu sais, ils vont pas faire de découvertes, ils vont pas de... Non, mais c'est ça. Il y a pas le service, finalement, quand on va chez Costco pour aller chercher un livre. Ouais, exactement. Puis essaye pas d'arriver et de dire, ah, j'ai entendu, plus on est fou, plus on lit. Ouais. Ils ont parlé de tel livre. Au l'avez-vous? Bouquin d'abord. Au bouquin d'abord, c'est ça. Excuse-moi, je me disais, pourquoi je dis plus on est fou? Quand... je pourrais sentir quelque chose de CKRL. Donc, les bouquins d'abord, c'est beaucoup mieux. Mais non, oui, tu sais, mais essaye pas d'arriver chez Costco et de dire, hey, la chroniqueuse, là. Ça avait l'air vraiment bon, le livre qu'elle a parlé. Il sait même pas que ça existe. Mais là, je suis pas fait. Peut-être qu'il sait, dans le fond, que ça existe, mais il a pas les outils pour chercher. Non, c'est ça. C'est pas la même chose. C'est pas une librairie, là. Non, exactement. Tu sais, l'autre chose, le truc que je t'ai pas dit tout à l'heure, l'autre grosse qualité d'un libraire, là, c'est être bon à faire des recherches. Parce que les gens qui arrivent avec le livre, il est rouge, ça parle de ça, il y a le mot « amour » dedans. Cherche le mot « amour » dans une banque de données pour une marque de titre, tu peux être sûr que tu n'auras pas 10 résultats. Oui, ben moi, ça me rappelle d'ailleurs des souvenirs comme libraire d'un jour où est-ce qu'on m'avait dit « c'est un livre, il est noir, puis il y a mignonne dans le titre. » Puis, tu sais, ça fait comme, mettons, 3 ans, là. Et on l'a cherché anti-pepère. On l'a vraiment cherché. Finalement, c'est un livre qui maintenant est connu. Là. C'est Marie-Ève Bourassa avec Adieu Mignonne, je pense. OK, oui. Dans sa trilogie. Mais c'est ça, à ce moment-là, c'était vraiment pas connu. C'était le premier livre, c'est les premières journées probablement qui existaient. Et t'étais encore chanceuse que le mot mignonne, c'était le bon mot parce que ça aurait pu être finalement joli, mais elle avait retenu mignonne. C'est ça. Puis le noir, finalement, il est vert. Moi, ouais, c'est ça arrive des fois aussi. Oui, hein. C'est que oui, il faut être bon pour faire des recherches. C'est pas le service qu'il y a exactement dans des endroits comme puis ça. Puis c'était aussi, donc, comme je disais, c'est aussi s'assurer qu'il y ait la diversité, la bibliodiversité qu'on l'avait appelée. C'est un beau néologiste que j'aime beaucoup. Donc, tu sais, qui permet. Si on veut qu'il continue à avoir des auteurs, des livres, une belle production, oui, il y en a beaucoup. Oui, on peut pas tout lire, mais il faut ça aussi. Il faut ça. Donc, il faut qu'il y ait des endroits qui vont diffuser ces livres-là. Moi, je pense qu'il faut que ce soit des librairies, puis les bibliothèques, évidemment. Mais donc, ça ne sera jamais un Costco ou un Walmart. C'est pas possible. Ils voudront jamais prendre cet espace-là dans leur magasin, puis c'est pas assez rentable, soyons honnêtes, pour eux autres. C'est sûr que le monde du livre, c'est... On a quand même déjà regardé le montant d'un livre. Mettons un livre à 20 $ Absolument, une librairie fait 40% du prix du 20 $ par exemple. Là-dessus, il faut payer, dans le fond, le local, les employés, plein de choses à payer. Le matériel, les monnaies sont payées, on est d'accord, mais c'est juste le loyer. Non, je me souviens quand j'étais à l'association, on avait justement juste les coûts fixes, donc le loyer, l'électricité, les employés, c'était... un énorme pourcentage d'un coût de fonctionnement d'une librairie. Donc, tu sais, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Puis les librairies, en général, c'est ça. Il y avait 2-3% de profit en fin de l'année. Donc, ça, c'est pas la manne. Là. Oui, ça a l'air beaucoup quand on dit « Ah, les libraires, ils se gardent 40% sur le prix d'un livre. » Mais, c'est ça, quand faut que tu fasses vivre ton lieu, ben c'est pas tant que ça. C'est pas beaucoup. Comment on peut faire comme libraire pour attirer les gens dans notre librairie? Bien, nous autres, on est dans une librairie vraiment de quartier. Donc, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de... J'ai envie de dire, d'être sympathique. Ça a l'air tellement simple et tellement cucu dit comme ça. Mais tu sais, je pense qu'il faut créer un sentiment d'appartenance. Pour moi, la première chose est là. Surtout dans notre secteur, on est vraiment dans un... On est dans un quartier un peu résidentiel. C'est les mêmes personnes qui reviennent. Donc, tu sais, faut les connaître. Il faut, à un moment donné, aussi... connecter. Mon Dieu, je déteste ce mot-là. Mais, tu sais, faut créer un lien avec les personnes pour qu'ils disent, hey, toi, à chaque fois que tu me conseilles un livre, il est vraiment bon. Mm-hmm. Donc, là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'importance de savoir écouter puis de savoir ce que la personne a besoin au bon moment. Puis c'est sûr qu'on a le droit à l'erreur. Là, à un moment donné, ça se peut que je dise à quelqu'un avec qui j'ai tout le temps les mêmes goûts. À un moment donné, j'ai un conseiller puis qu'elle aime pas ça du tout. Puis ça, faut accepter ça aussi. T'sais. Donc, faut être un peu humble des fois, de dire, ben oui, on se trompe. Mais oui, donc c'est créer un lien de confiance tout le temps. Là, puis il est jamais gagné. Ça, je pense que c'est l'autre chose. Les bibliothèques, elles s'approvisionnent où? Dans les librairies. Okay. Ça, c'est... Y a, bon, avant, Il a été créé dans les années 70, la loi 51, parce qu'avant ça, les bibliothèques s'approvisionnaient beaucoup. Là, je ne sais pas exactement, mais je pense qu'elles partaient deux fois par année en France acheter les livres. Oui, et là, des gros lots. Je vais plugger mon père, c'est le moment. C'est correct, t'as le droit. J'ai le droit, hein? Donc, mon père a été pas mal le précurseur de la fameuse loi 51, la loi du livre. Et c'est ça, il avait remarqué, ben d'autres gens avant lui, évidemment, avaient remarqué les mêmes choses. Il n'a pas fait tout ça tout seul, évidemment. À l'époque, il était ministre de la Culture, donc c'est pour ça qu'il a fait ça aussi. Et donc, il avait réalisé que c'est ça, les bibliothèques partaient en France, avaient des rabais. Je sais pas exactement comment ça fonctionnait, parce que j'ai jamais vécu cette époque-là, mais aller en France, choisissait des, puis je pense à deux fois par année, donc on peut s'imaginer que les nouveautés de la semaine dans une bibliothèque, ça n'existait pas. Aucune idée comment ils s'approvisionnaient en québécois non plus. Est-ce que ça, peut-être qu'il allait déjà en librairie? Il avait droit aussi à des rabais. Et donc, la loi 51 obligeait les bibliothèques à acheter en librairie. Acheter dans minimum 3 librairies de la région pour pas qu'une seule librairie aussi ait le monopole des choses. Et ils n'ont plus droit à des rabais, mais évidemment, ils ont eu des budgets en conséquence. Aujourd'hui, d'ailleurs, je reparle, je savais que tu allais me poser la question. J'en ai reparlé avec mon père, puis il me disait, ben, tu sais, il dit, comment il m'a dit ça? J'ai un beau blanc, ça, c'est tellement beau à la radio, un blanc. Mais tu sais, voyons. Ah, j'ai vraiment perdu mon idée, mais donc oui, tu sais, ça l'idée c'était de rendre les bibliothèques dynamiques, d'être, et tout ça existait dans des rapports, tu sais, quand on a décidé de faire ça, les rapports nous disaient de faire ça aussi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est à l'époque il y avait, je pense, 225 librairies, bibliothèques. Là il y en a au-dessus de 800, je pense que le 800 date de plusieurs années parce qu'il y en a encore d'autres qui ont ouvert. Tu sais, à Québec, il n'y avait que l'Institut canadien qui, en fait, aujourd'hui, la Maison de la littérature, mm-hmm. mais c'était la seule bibliothèque. Puis il y avait Monique Corriveau. À Montréal, il n'y avait qu'un point central aussi, avec des petits points de service un peu partout. Dans les villages, on peut imaginer qu'il y a des bibliothèques qui n'en avaient pas. Ici, maintenant, il y en a 26 dans le réseau des bibliothèques. Exactement. Mm. Et on peut aussi imaginer que s'il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait probablement pas tant de librairies. Ben, c'est drôle parce que ça, je remarque souvent, les librairies, on va remarquer les librairies indépendantes, ils ont souvent entre 40 et 45 ans. Donc, si on est vraiment dans les années 70, je ne sais pas exactement, un petit peu avant cette loi-là, mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup de librairies ont pu profiter de cette loi-là pour être dans leur milieu. Parce que quand je pense que... Bon, une librairie pour effectivement amener du monde, il faut qu'elle soit active dans son milieu. Puis je pense que dans des villages, des villes comme Rimouski, c'est quand même une ville, mm-hmm. Trois-Rivières, mais tu sais, c'est des lieux dynamiques. Les auteurs de la région, ils les connaissent. C'est tout ça. Donc, je pense que les librairies et les bibliothèques ont amené un dynamisme dans les régions. Puis tu sais, il y a des librairies dans toutes les villes du Québec, là, de Sept-Îles à... en Abitibi, à Rouyn-Noranda, tu sais, il y en a partout, partout, partout. Puis c'est beaucoup grâce à cette loi-là, parce que c'est sûr que la loi 51 permet quand même une certaine sécurité aux librairies, là. Oui, c'est ça, ça rapporte un certain revenu de base quand même un peu. Exactement. C'est ça, parce que sinon, encore une fois, si elle pouvait s'appriver... Mettons, si elle pouvait aller n'importe où, peu importe, ben ça pourrait faire en sorte que vous autres, un revenu vous privez, vous n'êtes pas non plus... vous n'êtes pas compétitif avec les autres, finalement. Exactement, hein? C'est ouais, ça. Puis, ça serait aussi l'espèce de ben, le problème des soumissions. Pis, ça, je sais que ça a déjà existé, puis on me compte qu'à l'époque, les gens faisaient des soumissions en bas du prix coûtant pour pouvoir avoir le contrat, mais après ça, ils se plaignaient qu'ils ne se faisaient pas une scène. Donc, tu sais, ça a permis... J'ai envie de dire, à 40 % dans le fond, on n'a pas les moyens de faire une soumission en bas du prix. Tu sais, je pense que même si on est intelligent, si on fait des soumissions, ben, il faudrait les faire au prix que... On prie qu'on a nos livres, donc... Mais ça a permis, justement, d'arrêter cette guerre-là de prix, de... C'est vraiment... C'est que du positif, la loi 51. Tout à fait. Oui, on laisse... dit merci à ton père. Oui, merci beaucoup, papa! Non, mais quand même! Hein? Ouais. Sur ces belles paroles, on va mettre une petite chanson. Ouh. Avant d'introduire... Okay. Dans le fond, tes suggestions de lecture, parce qu'on arrive déjà vers la fin de l'émission. Ben oui, c'est ça. C'est qu'on va y aller avec une chanson de Nina Simone. On revient. Super. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. And worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt and baggy pants. The old soft shoe. He jumped so high. Then he lightly touched the ground. I met him in a cell in New Orleans. Pourquoi j'ai mis une chanson d'Nina Simone, non? Ben, pour plein de raisons. Un, parce que je l'aime beaucoup. Et parce que, surtout, dans mes suggestions de lecture que je t'ai envoyées, il y a le livre « En attendant Bojangles ». On comprendra. Et c'est, d'ailleurs, c'est très drôle pour la petite histoire. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup Nina Simone, mais je ne connaissais pas cette chanson-là de Nina Simone quand j'ai lu « En attendant Bojangles ». Et là, tout le long... Donc, « En attendant Bojangles », c'est l'histoire d'un petit garçon qui raconte l'histoire d'amour de ses parents. Sa mère est très, très fantasque. Elle vit totalement pas dans la réalité. Mais pour lui, ça fait la plus belle enfance du monde, même si nous, avec nos yeux d'adultes et de lecteurs, on sait qu'il y a quelque chose qui marche pas. Lui, il voit juste la féerie de la relation de ses parents. Et ils écoutent beaucoup, beaucoup cette chanson-là dans ce livre-là. Et ses parents dansent constamment sur cette chanson-là. Donc, j'ai découvert, grâce à un roman, une chanson d'Nina Simone que je connaissais pas. Ça s'appelle « En attendant Bojangles ». L'auteur, c'est Olivier Bourdeau. C'est vraiment une très, très belle lecture d'été. Vraiment. Une belle lecture à l'année longue. Lecture à l'année longue, puis en plus, le beau plus, c'est que ça a été adapté en bande dessinée. Donc, c'est rare que j'ai le temps de relire un livre. On le disait tout à l'heure, il y a tellement de livres qui sortent. Celui-là, j'ai pu le relire en bande dessinée, j'étais vraiment contente. OK, en bande dessinée, j'imagine que c'est un peu plus condensé, peut-être? Oui, mais toute l'essence du livre est encore là. Puis, en tout cas, moi, la mère est exactement comme je l'imaginais, avec des belles grandes robes rouges à petits pois blancs. Là. C'est parfait. Là. Adaptation réussie. Adaptation très réussie de ce beau roman-là, je pense, qui fait du bien, mais malgré tout, parce qu'il nous donne envie de croire à la magie. Oui, c'est un peu troublant quand même. Moi, je quand l'ai même, lu. Oui. C'est ça, c'est quand même un peu troublant. Non, la fin est un peu... mais... Oui. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Mais c'est bon, on dira pas la fin. Non, exactement. Mais en effet, bon, on me l'avait offert en cadeau. Puis oui, c'est ça. C'est une belle lecture, donc à lire. À part ça, d'autres suggestions que tu as à nous faire? Ben moi, mon maintenant classique des classiques, « N'essuie jamais de larmes sanglantes » de Jonas Gardel. Tellement. Non, ça, ce livre-là, je l'ai lu l'année dernière. Je peux pas... Mais tout est là. En fait, c'est l'histoire de 7 jeunes homosexuels en Suède dans les années 80, c'est l'histoire du sida. Ce qui est fascinant dans ce livre-là, c'est que c'est probablement... Moi, ma connaissance, c'est le premier roman, je dirais, historique qui nous fait comprendre ce qui s'est passé. Puis c'est vraiment, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là. J'ai comme connu cette époque-là, mais je me tenais dans les bars gays à Montréal. J'étais tout le temps... mes amis étaient presque tous homosexuels. Et j'ai compris ce qu'ils avaient vécu et ce que j'avais vécu... en lisant ce livre-là. Donc, c'est quand même assez fascinant de comprendre des choses en lisant un livre. Comme quoi, oui, on apprend en lisant des romans. Ben, ça se passe en Suède, mais en même temps, il y a des choses qui pourraient très bien Mais ça s'adapte se traduire super. Au Québec. Oui, non, mais tu vois, Stockholm, d'après moi, c'est un petit peu plus grand que Québec. Mais moi, je trouvais aussi que le climat, tout, d'après moi, la mentalité des gens aussi. Je pense au fait qu'au Québec, on se reconnaît beaucoup dans ce roman-là parce que l'esprit nordique est là. C'est ça. Puis dans le roman, il y a beaucoup de jeunes qui partent de région pour s'en aller à Stockholm. Exactement. Donc, il y avait un certain isolement. Quand il était en région, il était seul, il sentait bizarre, il était aussi intimidé. Puis là, finalement, tu arrives en ville, puis en ville, tout est possible. Exactement. Donc, c'est un peu différent. Mais oui, excellent livre. Très l'histoire du Québec, effectivement. Ça, c'est exactement. Oui, non, c'est un... Excellent livre. Un livre quand même assez costaud, hein? C'est plus que 800 pages. Oui, mais ça se lit. En tout cas, moi, je l'ai lu... je pense que je l'ai lu en même pas une semaine. Puis à un moment donné, j'ai ralenti ma lecture parce que... Je voulais pas le finir, je savais que... il a gagné d'ailleurs le prix des libraires du Québec cette année, oui, dans le roman étranger, puis c'était amplement mérité. Oui, tout à fait. Est-ce que tu savais que c'était 3 livres au départ? Oui, je savais. Puis je ne sais pas si tu as vu, il y a aussi une série télé qui a été faite en suédois, je ne sais pas si tu l'as... qui est vraiment très bonne aussi, qui est très pareille. Heureusement d'ailleurs, parce qu'en tout cas, moi j'ai réussi à le trouver sur, je pense, Vimeo, la série télé, donc en sous-titré en anglais. Puis heureusement que j'avais lu le livre, parce que des fois les sous-titres passaient tellement vite que je me disais, pouf, heureusement que je sais ce qu'ils sont dit, parce que sinon j'avais pas le temps de lire les sous-titres. Mm-hmm. Mais la série est très, très bonne aussi. Donc, oui, absolument à découvrir. À lire, oui, non, c'est vraiment super intéressant. Là. Oui, tout à fait. À part ça, d'autres suggestions pour nous? Écoute, bien, un de mes derniers livres que je viens de lire, puis ce livre-là, je voulais... Bien, pas je voulais pas le lire, c'est pas le bon terme, mais il m'attirait, mais il me faisait peur, nanana. C'est « Ici, ailleurs » de Mathieu Simard aux éditions Alto. Parce que, bon, c'est l'histoire d'un couple qui s'isole dans un village. On comprend assez rapidement, après un drame, on sait dès la troisième page qui vont mourir à la fin du livre. Il y a zéro punch là-dedans. Je le savais tout ça avant de le commencer aussi, puis je me disais toujours, oh, j'ai pas envie de lire un livre déprimant. Non. Puis, mais cet automne, bon, Antoine Tanguay, qui est l'éditeur d'Alto, puis Mathieu Simard, qui travaille sur un prochain livre qui va sortir cet automne. J'ai fait deux fois la route avec Antoine, et donc il me parlait de sa bromance avec Mathieu Simard. Oui, d'ailleurs, il nous en parlait un peu quand il est venu à l'émission. Bon, maintenant que tu comprends ce que ça peut être, 2h30 d'auto avec Antoine qui nous explique à quel point Mathieu est un grand écrivain. Puis je te dis, faut que je le lise. Puis j'étais un peu mal de me dire, je ne l'ai pas encore lu, il ne faut pas que je le dise. Mais c'est ça, le sujet me faisait un peu peur. Et finalement, c'est un livre hyper lumineux. Je sais que Claudia Larochelle avait dit dernièrement à son émission que c'était probablement un des plus grands écrivains du Québec, Mathieu Simard. Et franchement, je pense qu'elle a raison, ou est pas loin d'avoir raison, parce que d'autres très bons écrivains. Mais il a une écriture remarquable, et malgré le drame de ce livre-là, c'est magnifique, c'est beau, c'est doux, c'est presque serein. C'est bizarre à dire, mais non, vraiment, gros, gros coup de cœur pour ce livre-là. Des fois, ça vaut la peine aussi d'attendre. Je pense que je l'ai probablement lu au bon moment, mais non, ici, ailleurs, puis là, je me souviens plus du... Tu sais, les enfants tombent... En tout cas, je me souviens plus du titre de son prochain, mais à surveiller, c'est un mot inventé, là, qui ressemble un peu à un titre de Duchamp. Donc, okay. Je pense qu'en fantôme, c'est carrément un titre de Duchamp. Oui, ben c'est ça, je m'en allais dire. Exactement. Mais bon, à lire cet automne. Ben, maintenant, ici, ailleurs, ou cet automne. Ça, c'est un tout petit livre, hein, c'est un tout petit livre, c'est un petit 140 pages à peu près, mais quand même assez dense, qu'il faut mixer d'un quand même d'une traite. Oui. Puis non, c'est vraiment un très, très beau livre. Tout à fait. À part ça? Le Renard Roux de l'été, Françoise de Lucas, ça c'est notre... C'est notre succès de librairie. C'est, ça, c'est l'autre chose. Hein. C'est une librairie indépendante. C'est quoi? C'est on vend des livres qu'ils vendent pas ailleurs. Puis donc, cet été, nous autres, on vend beaucoup Le Renard Roux de l'été. Françoise de Lucas, c'est une Italienne qui habite à Montréal, qui est d'origine italienne, qui écrit merveilleusement bien, elle aussi, parce qu'on dirait qu'elle fait de la peinture, mais avec des mots. Donc, quand on lit, c'est vraiment des atmosphères. C'est drôle parce que Le Renard Roux de l'été, je peux à peine vous conter l'histoire, mais je peux vous dire comment qu'on sent quand on lit. C'est vraiment... on rentre dans son atmosphère, on regarde des tableaux, on regarde ses personnages vivre. C'est magnifique. C'est une très, très... C'est une auteure qui est vraiment sérieusement à découvrir parce que ça fait plusieurs livres d'elle que je lis, entre autres son précédent, c'était Sénat. Mais à chaque fois, c'est un pur bonheur à lire, là, du Françoise de Lucas. C'est un livre que je ne connais pas du tout. C'est vraiment chez Marchand de Feuilles. Chez Marchand de Feuilles. Est-ce que c'est le format que j'aime vraiment beaucoup chez Marchand de Feuilles? Oui, exactement. Une espèce de format un peu format un peu poche, mais de luxe. Format poche de long. Là, oui, c'est ça qui tient super bien. Exactement. Ah oui, c'est un bonheur lire ce format-là. Ben, puis c'est un bonheur lire ce livre-là. Non, okay. Sérieusement, retiens-le, Renard Roux de l'été, pour ton 12 août. Ben oui, peut-être. Puis toutes les suggestions de Marie-Hélène vont se retrouver sur le blog juliedeouli.com. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre des notes absolument en ce moment, là, ou vous dire qu'est-ce qu'elle dit donc. C'est pas grave. Toutes les notes vont être sur mon blog dans quelques heures. Une dernière suggestion? Casse-gueule d'Émilie Turmel. Émilie Turmel, elle travaille à la Maison de la littérature. Elle s'occupe de la programmation. Et c'est surtout une extraordinaire poète. J'avais envie de mettre un petit recueil de poésie, qui est un genre que je connais pas encore beaucoup, mais que j'apprivoise tranquillement. Ce que j'ai beaucoup aimé dans celui-là, en fait, c'est vraiment un livre qui invite les femmes à se tenir debout. Donc, c'est pas du tout nombriliste comme recueil. C'est vraiment... c'est presque un manifeste, ce livre-là. D'ailleurs, à la fin, elle rend hommage à toutes les grandes poètes du Québec, poétesses du Québec qui l'ont influencée. Elle leur fait un hommage à plusieurs. C'est vraiment un très beau livre qui nous donne envie, qui nous fait voir nos forces en tant que femme puis en tant qu'être humain. Donc, allez, Émilie Turmel, casse-gueule. Oui, moi, je l'ai lu plusieurs fois, puis j'en ai pas encore parlé sur mon blog parce que ça m'envahit beaucoup comme lecture. Bien, c'est très envahissant, effectivement, parce que je pense qu'elle parle de la femme à différentes étapes. J'aime beaucoup quand elle parle de l'enfance. Oui. D'ailleurs, tu sais, casse-gueule, on comprend que ça fait référence aux bonbons qu'on mangeait qui duraient une éternité dans la bouche et qui changeaient de couleur. Donc, je sortais pour vérifier quelle couleur il était. Mais aussi à ce qu'on peut vivre comme adulte. Là, c'est pas toujours. C'est, des fois, la vie est un peu casse-gueule aussi. Donc, oui, non, un très, très beau recueil. Puis, effectivement, dur à en parler parce que c'est aussi personnel. Je pense que ça vient chercher des choses. Oui, c'est ça, c'est ça. Je pense que c'est beaucoup ça. Moi, j'ai pris beaucoup de notes. Puis, non, c'est ça. Je suis pas encore rendue là. Ça va venir, là, mais éventuellement sur mon blog. Je vais en parler. Donc, hey, il reste 30 secondes à l'émission. Bien. Ça n'a pas de bon sens. Bien, ça a été vite quand même. Hein? Ça va toujours vite. À toutes les semaines, je le dis, ça passe vite. Ça a l'air quasiment d'un cliché, mais c'est tellement vrai. Merci beaucoup, Marie-Hélène Vaugeois. Merci l'invitation. Donc, de la librairie Vaugeois, qui est située au 1300 Mégoire. Exactement. Donc, on peut aller te voir. On peut aussi aller te voir le 12 août pour le Noël des libraires. Le Noël des libraires, exactement. Donc, pour acheter un livre québécois le 12 août dans toutes les librairies. Puis en fait, on est là pour vous suggérer toute la multitude qui existe. C'est ça. Donc, ben merci beaucoup. Moi, je vous laisse pour le reste de la programmation. En fait, la prochaine émission, c'est les saints patrons de la Couffaine. Et je serai de retour la semaine prochaine à la même heure pour encore des bouquins et des confidences. Bonne soirée!